Merci à la ville de Château-Gontier-Bazouges d'avoir bien voulu confier l'enregistrement de son magazine semestriel Printemps 2015 aux donneurs de voix bénévoles de la Bibliothèque sonore de Segré.